إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Donc on continue dans le cours 13 dans l'explication du livre Al-Madkhalu ila ilm al-fiqh, l'introduction à la science du fiqh, écrit par le Cheikh Suleyman Abalkhayl hafizahullah ta'ala. Et donc on était en train d'expliquer au dernier cours le madhhab de Abu Hanifa, celui qui est attribué à Abu Hanifa, et on a parlé donc un petit peu de sa biographie et quelques points qui sont reliés au fondement de son madhhab, et également ses élèves qui ont été ses élèves les plus connus. Le point qu'on va expliquer maintenant, c'est les endroits où ce madhhab-là a été le plus connu ou le plus propagé. Donc, رابعاً أماكن انتشار مذهبه. مما لا شك فيه أن أبا حنيفة ترك بعده أثرا فقهيا كبيرا حتى قال الشافعي عنه إن الناس كلهم عيال عليه في الفقه. Donc, y a pas de doute que l'imam Abu Hanifa, il a laissé après lui une marque dans le fiqh qui est très importante, et l'imam al-Shafi'i a même dit à son sujet que tout le monde sont des enfants dans le fiqh par rapport à l'imam al-Shafi'i. C'est-à-dire tout le monde sont les enfants de l'imam Abu Hanifa après l'imam Abu Hanifa dans le fiqh. Ils ont tous pris de lui. Et il dit « Wa min huna kana al-madhhab al-hanafi akbaru al-madhahib hadhan min jami' al-madhahib al-ukhra » فقد كان المذهب الغالب في العراق أيام العباسيين لإيثارهم أي إياه في القضاء، وكان كما كان المذهب الرسمي للدولة العثمانية، وعنه أخذت مجلة الأحكام العدلية أو أخذت مجلة الأحكام العدلية، وكان أيضا مذهب الإمارة في تونس قبل إلغائها. Donc c'est pour cette raison donc que le madhhab al-hanafi, il a été un des madhhabs qui a eu un des plus grands rôles par rapport aux autres madhhab, puisque à un moment donné il a été le madhhab qui était le plus répandu en Irak à l'époque des Abbasiyin, et il avait même été choisi pour établi dans par rapport au qada, c'est-à-dire dans sur le plan des juges, dans les tribunaux de l'empire al-Abbasiyya à cette époque-là en Irak, eh bien il jugeait selon le fiqh de l'imam Abu Hanifa, parce que Abu Yusuf, qui était un des élèves de Abu Hanifa, il a été désigné comme à un moment donné, comme on l'a expliqué, le juge en chef du tribunal islamique de cette époque-là. Donc c'est pour dire que le madhhab al-Hanafi, il a eu une importance. On a dit que ça c'était à l'époque à Bagdad, dans le khilafa de Harun al-Rashid, rahimahullah. Donc Donc on voit qu'il a eu une importance à ce moment-là. Également, il était le madhhab officiel de l'Empire ottoman. Donc le madhhab officiel de l'Empire ottoman et toutes les règles de justice qui avaient été écrites étaient écrites selon le madhhab al-Hanafi. Et également, à un moment donné, dans l'Imara de la Tunisie, en Tunisie, il était établi également à un certain moment donné, jusqu'à ce qu'il soit aboli. Il dit « وَلَا يَزَالُ الْمَذْهَبُ الْحَنَفِي حَتَّى الْيَوْمْ تَذْهَبُ الْفُتْيَا وَالْقَضَى الشَّرْعِ فِي الْبِلَادِ الَّتِي خَضِعَتْ لِلْحُكْمِ الْعُثْمَانِي كَمِصْرِ وَسُورِيَا وَلُبْنَانِ وَالْأُرْدُنِ وَالْعِرَاقِ كما أنه المذهب الغالب في تركيا بالنسبة لمسائل العبادات وهو المذهب السائد في البلقان والقوقاز وأفغانستان وباكستان وتركستان وآسيا الوسطى وعند مسلمي الهند والصين وله أتباع كثيرون في كثير من البلدان ويشكل أتباعه أكثر من ثلث المسلمين في العالم ويقدر عددهم ب180 مليون تقريبا كما يوجد بأمريكا الجنوبية حوالي 25,000 مسلم يقلدون المذهب الحنفي. Donc le madhhab al-Hanafi aujourd'hui, il est présent dans les fatwas, dans les tribunaux islamique également. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans les différents pays qui ont été sous le règne de l'Empire ottoman, à l'époque ils étaient sous le règne de l'Empire ottoman, maintenant il y en a dans ces pays-là qui continuent toujours à suivre le madhhab al-Hanafi, comme en Égypte, parce que l'Égypte était un des pays qui était dirigé par l'Empire ottoman. La Syrie, le Liban, la Jordanie, l'Irak, tous ces pays-là étaient sous le règne de l'Empire ottoman. Et également, c'était le madhhab qui avait le plus d'influence également en Turquie, dans les questions de l'adoration. Et également, c'était le madhhab le plus répandu également dans les Balkans et dans la région du Caucase, en Afghanistan, au Pakistan, en Turkestan et en Asie mineure, de même que pour les musulmans de l'Inde et de la Chine. Donc il y a beaucoup de gens dans ces pays-là qui sont sur ce madhhab, et ça représente à peu près le tiers des musulmans dans le monde qui sont Hanafi, hein, du madhhab al-Hanafi, et on les calcule à peu près à 180 millions de musulmans. Et on dit qu'il y a à peu près 25 000 musulmans de l'Amérique du Sud qui suivent le madhhab al-Hanafi. Il dit, وقال ابن خلدون متحدثا عن انتشار مذهب أبي حنيفة وأما أبو حنيفة فقلده اليوم أهل العراق ومسلمة الهند والصين وما وراء النهر وبلاد العجم كلها لما كان مذهبه أحفي بالعراق ودار السلام وكان تلاميذه صحابة الخلفاء من بني العباس فكثر تأليفهم ومناظراتهم مع الشافعية وحسنت مباحثهم في الخلافيات وجاءوا منها بعلم مستطرف وأنظار غريبة. Donc Ibn Khaldun, il a parlé de la propagation du madhhab Hanafi dans son livre, et il a mentionné que à l'époque les gens de l'Irak, ils étaient sur le madhhab de Abu Hanifa, de même que les gens de l'Inde et de la Chine, et les gens de les régions de l'Inde et du Pakistan et toutes ces régions-là étaient sur ce madhhab, et donc il était bien propagé, et de même que les élèves des compagnons des khulafas de Bani al-Abbas, la plupart d'entre eux étaient Hanafi. C'est pour cette raison que le madhhab s'est propagé, et il y avait aussi beaucoup de livres et d'écrits et de débats entre les Hanafis Alhamdulillah. Yahdikum Allah wa yuslih barak. Et également avec les Shafi'iyya, entre les Shafi'iyya et les Ahnaf, il y avait beaucoup de débats. Donc c'est ça, il y a eu beaucoup de propagation de ce madhab. Il dit khamisan abrazul kutub allati ya'tamidu 'alayha al-Hanafiyya. Donc les livres les plus connus qui sont utilisés par les Ahnaf pour étudier le madhab. Il dit yarji'ul fadl في تدوين هذا المذهب إلى مؤلفات وصلت إلينا تعتبر المعين الذين لا ينضب له إلى محمد بن الحسن وأبي يوسف فليس بأيدي الأحناف كتب الأولين إلا الكتب التي دونها هذان الإمامان ومن أهم كتبهم رسالة في الخراج كتاب الآثار وكتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى وقد روى هذا الكتاب الإمام الشافعي في كتابه المسمى بالأم وكتاب الرد على سير الأوزاعي وكتاب المبسوط أو الأصل والجامع الكبير والجامع الصغير والسير الكبير أو السير الكبير والسير الصغير والزيادات وكتاب أمالي محمد بن الحسن في الفقه أو الكيسانيات والرقيات والهارونيات والجرجانيات وكتاب المخارج في الحيل وكتاب زيادة الزيادات وكتاب نوادر محمد وهذه كلها لمحمد بن الحسن وكتاب المجرد لأبي حنيفة برواية الحسن بن زياد وكتاب الرد على أهل المدينة ويسمى الحجة على أهل المدينة وكتاب الآثار وهما لمحمد بن الحسن رحمه الله. Donc ça, tout ça c'est des titres de livres, ok, et des livres, la plupart des livres du madhhab al-Hanafi reviennent pas jusqu'à Abu Hanifa lui-même directement, mais c'est des livres de ses élèves comme Mohammed ibn al-Hassan et Abu Yusuf. Et donc on a nommé les livres, on n'a pas besoin de les répéter encore en français puisque ça revient au même. Et il dit walam aqif walam yaqif at-tadwin lil madhhab al-Hanafi indama katabahu at-talamiz al-mubashirun li Abi Hanifa bal qama talamiz al-ashab wa talamizuhum bita'alif kathira mithl kutub al-fatawa wal-waqi'at التي اجتهد فيها المجتهدون المتأخرون حيث لم يجدوا رواية عن السلف وككتاب النوازل لأبي الليث نصر السمرقندي. Donc il dit que l'écriture des livres du madhhab al-Hanafi se sont pas arrêtés uniquement aux élèves directs de Abu Hanifa, mais les élèves même des compagnons de ces élèves-là ont écrit de nombreux livres par la suite, des livres de fatawa et d'autres livres également d'ijtihad, de savants qui sont venus plus tard par la suite, et lorsqu'ils n'ont pas trouvé de narration des salafs, ils ont fait leur propre ijtihad. Et parmi les exemples de ça, le livre qui s'appelle An-Nawazil de Abu Layth Nasr al-Samarqandi. Donc après il parle des différentes terminologies qui sont employées dans le madhhab, mais je ne crois pas que ce soit nécessaire de traduire ça ou de mentionner ça. C'est juste des choses qui permettent de comprendre le madhhab lorsque tu lis les livres de ce madhhab. Chaque madhhab, dans ses livres, ils ont des terminologies qui nous permettent de les comprendre, de savoir de quoi ils parlent. Donc par exemple, quand il dit « Zahir al-Riwaya » ou bien quand ils disent « Al-Imam », c'est qui l'imam en question quand il parle? Donc si tu lis dans les livres du madhhab Hanafi, quand il parle de l'imam, c'est Abu Hanifa. Quand il parle de Al-Shaykhan, les deux sheikhs, il parle de qui? Il parle de Abu Hanifa et Abu Yusuf. Al-Tarafan, il parle de Abu Hanifa et de Muhammad. Quand il parle de Al-Sahiban, c'est Abu Yusuf et Muhammad. Hein? Wa Al-Thani, Abu Yusuf. Wa Al-Thalith, Muhammad. Hein? Et ainsi de suite. Donc, quand il dit Lahuma, ou عندهما ou مذهبهما, c'est-à-dire مذهب الصحابين, As-Sahibayn, Abu Yusuf et Muhammad. Et ainsi de suite. Donc, quand tu vas lire ça dans les livres des Ahnaf, tu vas savoir de qui est-ce qui est désigné par ces termes-là et par ces appellations-là. Amma al-Mashaykh, fal-muradu bihim fil-istilah man lam yudrik al-imam. Donc, quand on utilise le terme Mashaykh, c'est ceux qui n'ont pas rencontré l'imam Abu Hanifa lui-même. Ainsi de suite. Donc il y a d'autres exemples comme ça, mais ça, je vois pas un grand bienfait pour quelqu'un de connaître les détails de ces choses-là. Si il veut avoir les détails, il a juste à se procurer le livre Al-Madkhal ila ilm al-fiqh, puis d'étudier ça, de lire ça s'il veut, pour avoir plus de détails, parce que c'est pas ça le plus important dans qu'est-ce qu'on a lu ici. Le suivant, c'est l'imam Malik, le madhhab de l'imam Malik, imamu dar al-hijrah. Donc, on a le temps de peut-être de mentionner quelques points à propos de l'imam Malik. Même si c'est serré un peu. Donc, l'imam Malik, son nom c'est Malik ibn Anas. Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir. من ذي أصبح من حمير من ذي أصبح من حمير يكنى أبا عبد الله ولد سنة 93 ولد سنة 93 وقيل 94 وقيل 7. OK, الإمام مالك رحمه الله سنوسي مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر. On l'appelle Abu Abdillah, c'est sa kunya, Abu Abdillah. Il est né en l'an 93. Et d'autres ont dit 94, d'autres ont dit 97. Donc il y a divergence, mais celui qu'on entend plus souvent, c'est qu'il est né en 93. Nash'atuhu. Wulid al-Imam Malik fil Madina, wa lam yarhal minha ila baladin akhar. Wa asara كأبي حنيفة الدولتين الأمويتين ولكنه أدرك من الدولة العباسية حظا أوفر. Donc l'imam Malik, il est né à Médine, al-Madina al-Munawwara, la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il n'a jamais voyagé vers d'autres pays que Médine. Et la plupart des ulama de hadith, ils ont tous voyagé vers d'autres villes pour étudier avec les ulama des différentes villes. Mais l'imam Malik, rahimahullah, il y avait déjà dans Médine beaucoup de grands ulama. Donc il n'a pas eu besoin de voyager pour étudier, puisque les ulama étaient présents là-bas. Et en même temps aussi, ceux qui n'étaient pas là-bas, ils venaient régulièrement à Médine. Donc il avait l'occasion d'étudier aussi avec eux quand même. Et comme l'imam Abu Hanifa, il a vécu pendant les deux états, la dynastie des Umayyah et des Abbasiyah, sauf qu'il a connu une plus longue période de la dynastie des Abbasiyah que l'imam Abu Hanifa. Il dit « وَقَدْ طَلَبَ الْعِلْمَ عَلَى عُلَمَاءَ الْمَدِينَةِ وَلَازَمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ هَرْمُزُ مُدَّةً طَوِيلَةً. » Donc il a étudié la science avec les ulama de Médine, al-Madina, et il est resté longtemps avec Abdurrahman ibn Harmuz, un des ulama de Médine. Wa akhadha an Nafi', Mawla ibn Umar. Il a étudié avec Nafi', l'élève de Ibn Umar, c'était son servant aussi. Wa ibn Hisham wa ibn Shihab az-Zuhri. Il a étudié également avec az-Zuhri, un des grands ulama. Et wa shaykhuhu fil fiqh Rabi'a ibn Abd al-Rahman. Donc il a étudié également avec son cheikh dans le fiqh, Rabi'a ibn Abd al-Rahman al-ma'ruf bi Rabi'a al-Ra'i. Donc il a étudié aussi avec Rabi'a, un des grands ulama parmi les salaf. Wa makanatuhu al-ilmiyya qad balagha al-imam Malik rutbatan mutamayyiza في العلم حتى صار إمام دار الهجرة فقها وحديثا وقد أجمع على إمامته ودينه وورعه ووقوفه مع السنة. Donc l'imam Malik, il a atteint un degré exceptionnel dans la science. jusqu'à ce qu'il devienne l'imam dans la ville de Médine. On l'appelait imam Udar al-Hijra dans le fiqh et dans le hadith. Et même que les ulama étaient tous d'accord sur le fait qu'il était l'imam. Hein? Il était un imam dans la religion. Dans la religion, dans la piété et dans le fait de la défense. Hein? Dans la défense également de la sunna. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وقال فيه تلميذه الشافعي إذا ذكر العلماء مالك فمالك النجم إذا ذكر العلماء فمالك النجم وما أحد أمن علي من مالك بن أنس. الإمام الشافعي لا يتل لف الإمام مالك. Et il dit quand on mentionne les ulama, Malik il est comme une étoile. Et il a dit j'ai pas trouvé personne en qui j'avais plus confiance que l'imam Malik ibn Anas. Donc ça c'est parmi les paroles des ulama. Il y en a d'autres citations qui vont être citées par la suite. Il y en a deux ou trois autres. On va terminer avec ça. Il dit وَقَالَ عَبْدُرَحْمَنِ ibn Mahdi. عَبْدُرَحْمَنِ ibn Mahdi, c'est un des imams des salafs. Il dit أَئِمَّةُ النَّاسِ فِي زَمَانِهِمْ أَرْبَعَةَ الثَّوْرِ بِالْكُوفَةِ ومالك بالحجاز والأوزاعي بالشام وحماد بن زيد بالبصرة. Donc il dit عبد الرحمن بن مهدي, qui est un des imams des salaf, il dit les imams déjà de leur époque sont quatre, c'est-à-dire à cette époque, l'époque de l'imam Malik, il y a quatre imams, quatre grands ulama dans le monde musulman, les plus importants, les grandes têtes de la science de l'époque. Il mentionne الثوري سفيان الثوري أكوفة الإمام مالك dans الحجاز مكة المدينة الأوزاعي en Syrie en Palestine c'était الأوزاعي الإمام et حماد بن زيد حماد بن زيد à Basra. Donc ça c'est quatre ulama, sont quatre parmi les imams des salafs et l'imam Malik fait partie d'un des quatre des plus grands savants de son époque. Il y avait aussi à cette époque-là l'imam Sufyan ibn Uyayna à Mecca. Ok? Des fois il est mentionné aussi. وفاته قال ابن عبد البر لم يختلف أصحاب التواريخ من أهل العلم بالخير والسير أن مالكا رحمه الله توفي سنة 79 ومئة. Donc l'imam ibn عبد البر il mentionne que l'imam Malik, tous les savants sont d'accord pour dire que l'imam Malik il est mort en l'an 179 de la Hijra. Donc il est né en 93, il est mort en 179. Donc il a vécu une longue vie. Hein, rahimahullah. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. On continuera ça la semaine prochaine, inshallah. Subhanakallah wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.